Les acquis se rognent, à la trogne ceux qui besognent, à la sueur de leur poigne, sans même qu'ils ne grognent, dans la désillusion les renfrognent. On lorne sur les écarts économiques et l'entente sociale est plus que tremblante. Ça fait plus de 30 ans que les 30 glorieuses ont pris la tangente, et l'on veut toujours plus qu'en marche et en pente descendante. Les parents se font des sangs d'encre, les seules solutions proposées sont des sentences. Les discours emplis de condescendance, énoncés par une élite incompétente, qui t'apprend la vie un sourire plein de complaisance, car elle-même prise dans une course inconséquente. Certains pensent que cette crise vient de notre fainéantise, alors travaillons plus pour gagner plus. Quelle plaisanterie, cette hantise de n'avoir rien va nous anéantir. Des millions de sans-emploi, des millions d'emplois sans sens. Alors en quoi un surplus de travail nous ferait sortir la tête de l'eau en quelque sorte, à part pour noyer le poisson ou perdre le dos? Pourquoi mettriez-vous le pied à l'étrier quand autour de vous tant de métiers sont d'inutilité publique? Combien ne génère que futilité, frustration et besoin toujours croissant, quand les emplois les plus utiles, les plus harassants, les plus ingrats sont méprisés d'un regard glaçant. Vendre du rêve et spéculer sur des titres fructifiés en plaçant prétend les sous d'autrui semble mieux vu que d'aller soi-même au charbon. Et c'est toujours les mêmes bourriques que nous chargeons. Allons, est-ce que de telles différences de profit, de salaire, de reconnaissance sont justes et nécessaires? Ce système de valeurs m'égare à la beurre égale, les critères de salaire m'échappent. Serait-ce le monde à l'envers, ou suis-je moi la tête en bas à la renverse? Vu qu'il semble évident que celui qui étudie jusqu'à 28 est plus méritant que celui qui bosse depuis ses 16 et perd. Mettez-moi des mètres, des réserves, car j'essaie d'un doute sur le bien fondé de ces généralités, surtout lorsque je me penche sur l'immensité de la reproduction sociale, car on ne devient malheureusement pas médecin par hasard. Si je semble amer, les chiffres sont sans appel, même si depuis tout petit on te met dans la tête que tu peux être ce que tu veux, la réalité elle sent la merde. Fier de nos parcours, on devient arrogant et vouloir toujours plus vire à l'obsession. Avec le monde t'appartient pour seul le slogan, mais qu'y a-t-il de moins légitime qu'une telle possession? Et qui dit ascension sociale dit hiérarchie, dit ordre social. Cette échelle est à la fois inique et malsaine, elle immisce le malaise, elle divise et admet la légitimité de notre mise en concurrence. En l'occurrence, je ne la désire aucunement. Ceux qui luttent sont les mêmes qui la consolident. J'aimerais fuir cet engrenage névrotique, mais j'entends cette petite voix me dire: montez du doigt, la seule place que j'ai trouvée semble être montrée du doigt. Car le plein emploi est vu comme un saint graal, tel un idéal de société. Pourtant est-ce un drame de s'extraire de cette compétitivité sans merci? Cette boulimie m'apparaît comme une ineptie. À quoi servent nos engins, nos machines, nos outils? À quoi sert l'avancée technologique si elle n'est pas là pour nous épargner? Au fil des années, toujours les mêmes harnais. Travaillez plus loin, travaillez plus vite, mais travaillez moins, serait-ce si stupide? Nous voilà robotisés, motorisés, asservis par une science qu'on croit avoir colonisée. Mais pourquoi, lorsqu'une machine remplace une personne, celle-ci deviendrait une personne à charge? Je me questionne. Quels sont nos besoins et nécessités? Pourquoi susciter, s'exciter à faire exister tant d'emplois dispensables? Le travail perd son sens et l'on se retrouve pauvre dans une société d'abondance. Bon sang, nous ne sommes plus à l'antiquité. Je ne cherche que la tranquillité, mais l'oisiveté ici est stigmatisée. Les tensions sociales sont attisées, et quand on ne suit pas les sentiers balisés, on passe pour un assisté. Car il est de mise de faire marcher l'économie. Quel illogisme, alors que ce terme devrait être synonyme d'épargne et de réduction des dépenses. Il signifie l'inverse comme c'est étrange. Le doute est décuplé, je me sens comme dupé. Les modèles de réussite me semblent usurpés. Jonchés sur une précarité dont ils se repaissent. Juste un amas de chair à la proie des rapaces. Tout est confus. Je ne veux que vivre ma vie, mais je me consume. Je perds ma sève au compte-goutte dans ce monde à l'envers. Et contre tous.